à David et sa postérité pour toujours. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce psaume, de cette portion. Première vérité, la sanctification est un préalable pour expérimenter la délivrance divine. Je veux parler à une sœur. Ça ne sert à rien de changer d'église. Tu as changé combien d'églises chaque année? Après chaque 6 mois, tu changes d'église. Tu vas ici, tu vas là-bas, parce que tu cherches la délivrance. Écoute-moi bien. Le problème là, ce n'est pas de chercher un pasteur qui a l'onction, mais le problème c'est toi-même, la vie de sanctification. On peut prier pour toi, tu tombes, les démons sont partis, et quand tu reviens dans les mêmes péchés, les mêmes signes, les mêmes démons reviennent. Est-ce que tu comprends? Sans la sanctification, tu ne peux pas expérimenter la vraie délivrance. Tu gardes en toi la colère, tu ne sais pas pardonner, tu es toujours coléreuse, tu retournes dans la débauche, tu regardes des films pornographiques, tout ça, ce sont les portes ouvertes. Dans la première partie du psaume 18, David a tracé la voie pour obtenir le secours divin dans la détresse. Il faut l'invoquer. Dans la deuxième partie, ici que nous venons de lire, il complète la première en soulignant la nécessité de la vie de sanctification. Il l'exprime en utilisant plusieurs expressions. Il dit au verset 21, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Cela veut dire que s'il a connu la délivrance, c'est parce qu'il était pur. Il a marché la sanctification. Si toi aussi tu veux expérimenter la délivrance, marche dans la sanctification, débarrasse-toi du péché. Il dit aussi, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Quand tu as confessé tes péchés, le sang de Jésus te purifie et tu n'es pas coupable. Il dit également, j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Il ajoute encore, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Vous voyez, tout ce langage sert à montrer que nous devons mener une vie de sanctification pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu intervienne dans nos situations. Lorsque nous demandons à Dieu de nous délivrer de notre détresse, chacun de nous devrait se poser cette question. Suis-je sans reproche devant mon Dieu? Daniel a été délivré de la fosse au lion, car il était sans reproche devant Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire avec certitude, dans Daniel 6, 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Quand tu es innocent, quand tu mènes une vie de pureté, tu vas être délivré. Deuxième vérité, l'humilité est la voie qui conduit au salut et à l'élévation. Oui, si tu veux être sauvé, si tu veux être élevé, tu dois apprendre d'abord à t'humilier. Tu ne dois pas être gonflé, faire du matu-vu. Non, l'humilité, c'est la voie obligée. David nous révèle un autre secret qui nous permet d'expérimenter la délivrance, c'est l'humilité. C'est pourquoi il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Lorsque Dieu apparut à Salomon, lors de la dédicace du temple, il lui révéla que l'humilité était la clé qui permettait à Dieu de le délivrer de son peuple de 3 fléaux ci-après, la sécheresse, la peste et les sauterelles. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Des Chroniques 7, verset 14. Par contre, l'orgueil conduit à l'abaissement et à la chute. L'apôtre Pierre dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Des fois, tu peux avoir raison, mon frère. Mais toi, tu demandes pardon parce que tu veux être en règle avec Dieu. Tu ne dois pas dire, oui, j'ai raison. Pourquoi est-ce que celui-ci peut me parler comme ça? C'est quelqu'un qui est moins âgé que moi. Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est humilié en devenant semblable à un simple homme. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Troisième vérité, avec Dieu, passons de la défensive à l'offensive. Quand tu es toujours dans la défensive, c'est-à-dire tu es là pour te protéger, mais il y a un moment donné où le Seigneur maintenant veut que tu sois un combattant, un guerrier, qui va maintenant attaquer. C'est ce qu'on appelle l'offensive. C'est ce qui se passe ici. David a connu la délivrance. Mais après la délivrance, il n'a pas croisé les mains. Il a commencé maintenant à combattre l'ennemi. Jusqu'ici, David mentionne ce que Dieu a fait. On dit que c'est Dieu qui combat en sa faveur et qui les délivre de ses ennemis. Mais la dernière partie du psaume nous montre qu'il y a une progression. Après que Dieu eut délivré David, il passa à l'offensive contre ses ennemis. Il ne les fait pas seul. Il les fait avec la capacité divine. Il y a une combinaison de l'action divine et de ses actions. Voici les actions divines. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Ça, c'est toujours Dieu. Il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Il dit encore, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Il dit, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais tourner le dos à mes ennemis. Ces actions divines nous permettent d'affirmer que Dieu est notre entraîneur. Il nous forme dans le combat. Quand on dit il exerce nos mains au combat, ça veut dire que pour que tu sois entraîné, il faut qu'il y ait combat. Tu comprends ma sœur? Ce que tu es en train de vivre là, c'est Dieu qui est en train de t'entraîner dans le combat. Quand on dit il exerce mes mains au combat, allez dans le domaine militaire, vous allez voir, ils font ce qu'on appelle des manœuvres militaires. C'est comme si ils sont sur le champ de bataille. Voyons maintenant les actions offensives de David. Il dit, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Tu vois, tu dois passer à l'offensive. Il dit, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. J'extermine ceux qui me haïssent. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Jésus t'a donné, mon frère, ma sœur, le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La peur doit changer de camp. Ce n'est plus toi qui dois avoir peur de tes ennemis. Ce n'est plus toi qui dois avoir peur de la sorcellerie, des envoûtements. Mais ce sont eux qui doivent avoir peur de toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les célébrer à travers ces chants. C'est le nom des chrétiens. Gloire au Seigneur, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur. Dis merci au Seigneur pour ses bienfaits. Amen. C'est votre serviteur révérend de Donengoumi au microphone. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent cette émission à partager par WhatsApp, où que vous soyez en dehors de la Côte d'Ivoire, tout comme en Europe, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, au Canada. Que Dieu vous bénisse. Nous prions selon le psaume 18, la deuxième partie, du verset 21. Au verset 50, nous allons confesser tous nos péchés à Dieu et prions pour que nous marchions dans la sanctification pour expérimenter la délivrance divine. Prie le Seigneur, s'il y a un péché caché, un péché que tu n'as jamais confessé, même quand tu pars voir le pasteur, tu ne confesses pas ce péché, il faut t'humilier. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérance. Très excellent Père, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as été bon pour nous. Ton amour s'est manifesté en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Ce matin, nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous faisons le vœu de marcher dans la sanctification. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à notre vie de sanctification soit ôté. Nous prions, ô Père éternel, pour les péchés que nous avons commis en pensée, en parole, des péchés commis par action et par omission. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardon, Père éternel, pour ces péchés secrets qui ont été commis. Nous les exposons ce matin et nous nous tournons vers toi en toute humilité. Fortifie-nous et restaure-nous. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, ô Père éternel. Nous prenons l'engagement de marcher dans tes voies. C'est pourquoi nous déclarons que tout obstacle à notre vie de sanctification est enlevé. Nous prions et nous demandons l'accès de ta parole, l'accès de ta parole qui édifie notre foi, l'accès de ta parole qui constitue notre arme de combat, l'accès de ta parole qui fait de nous de véritables enfants de Dieu. Merci Père éternel pour nos péchés qui sont pardonnés, pour nos transgressions qui sont remises. Merci pour notre vie de sanctification. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Prions pour nous débarrasser de tout esprit d'orgueil et pour que nous cultivions en nous l'humilité. Nous venons de voir que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Prions le Seigneur. Toi, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur, le Roi, celui qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui nous a donné la vie. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. À travers ton Fils, tu nous as donné un exemple à suivre. Lui qui était dans la gloire, dans la splendeur, dans la grandeur, il est venu comme un homme, il s'est humilié, il s'est rabaissé pour nous sauver. C'est quel exemple? Nous devons imiter cela, notre Dieu, parce que l'orgueil précède la chute. L'humilité précède, notre Dieu, notre Père, la gloire. Nous voulons prier ce matin pour que tout comportement d'orgueil, toute attitude d'orgueil, tout comportement qui nous amène à écraser, à considérer les autres comme moins que rien, à bannir ces comportements dans nos vies, dans nos foyers, là où nous travaillons, vis-à-vis avec ceux que nous dominons. Nous voulons te prier ce matin pour que notre Dieu, que ton esprit nous conduise, que ta parole soit la base de notre vie, que la prière à pouvoir considérer les autres vient à notre secours afin de nous aider à marcher dans la soumission au Saint-Esprit, dans la soumission à la parole de Dieu, de marcher, notre Dieu, dans la conduite que tu nous donnes. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous l'humilité. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour exercer l'autorité que Jésus nous a donnée, pour marcher sur les démons, sur toute la puissance de Satan, sur les esprits des eaux, sur les esprits des masques, sur les esprits des morts, sur les esprits de l'échec. Tu vas prendre autorité. Tu dois passer maintenant à l'offensive au nom de Jésus-Christ. Tu vas broyer tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, tu es bon, tu es grand, tu nous as donné la capacité, tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné la force, tu nous as donné ta puissance pour marcher sur les scorpions, sur les maladies, pour marcher sur l'échec, pour marcher sur les sorciers, les mystiques, les pouvoirs diaboliques. Rien ne pourra nous nuire parce que tu vis en nous, parce que tu règnes en nous. En ce jour, toute maladie qui a été infligée, qui a été envoyée, est broyée dans le corps de cette sœur, dans le corps de ce frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute flèche d'ennemi contre nous, dirigée contre un frère pour anéantir à sa vie en cette saison, que ces flèches soient consumées dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, que tout ce qui a été dit et qui emprisonnait un frère, une sœur dans la stérilité, que toutes ces paroles incantatoires soient noyées dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons tes enfants qui sont empêchés d'être bénis, qui sont empêchés d'avoir le travail, que tout esprit derrière la vie de quelqu'un à l'écoute de ma voix soit arrêté, lié, chassé dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits, nous écrasons nos ennemis, nous avançons aujourd'hui, quel que soit ce que les hommes font, les sorciers font. Père, avec toi, nous sommes appelés à être bénis, à avoir des affaires prospères. Nous sommes appelés à voir notre élévation en cette saison. La santé divine est notre partage. La vie en abondance. Avec toi, nous prêcherons l'évangile. Les âmes seront touchées, converties et gagnées à toi. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes pleine de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous espérons vous retrouver encore demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.